Le livre de l'Apocalypse, première étude. Beaucoup de personnes lisent l'Apocalypse par curiosité. On leur a dit que ce livre traite de l'avenir du monde et ils veulent y découvrir le déroulement des événements de demain. Notre société ne manque pas d'augures soutirant à l'Apocalypse des déductions gratuites pour mieux spéculer quant à l'avenir. Et que dire des prétendus prophètes qui recrutent leurs adeptes en les menaçant, allant jusqu'à invoquer les foudres apocalyptiques sur ceux qui demeurent réfractaires à leurs théories? Il est d'autres sources de confusion. La littérature de science-fiction, l'art contemporain et les mass-médias qui empruntent volontiers certaines images à l'Apocalypse pour projeter sur le public le spectre menaçant des fléaux de demain. Et pourtant, que veut dire le mot « apocalypse » ? Ce terme, dérivé du grec, signifie « action de dévoiler » ou « révélation ». Mais révélation de quoi ? Ou plutôt de qui ? Lisons Apocalypse 1:1. « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Jésus-Christ a donc reçu de Dieu une révélation qu'il a transmise à Jean, son disciple. Cette révélation concerne les choses qui doivent arriver bientôt, choses qui seront précisées et développées dans les chapitres 4 à 22 de l'Apocalypse. Auparavant, Jean, le disciple bien-aimé du Seigneur, avait connu son maître dans son humiliation durant sa vie terrestre. Il l'a découvert alors dans sa gloire, sa justice et son autorité souveraine sur le monde. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Apocalypse 1, 8. Lorsque Jean a reçu cette révélation exceptionnelle, qu'il a vu le ciel ouvert, il se trouvait, quel paradoxe, exilé, peut-être prisonnier sur une île de la mer Égée. « Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage pour Jésus. » Apocalypse 1, 9. Peut-être Jean n'a-t-il pas saisi tout de suite ce que Dieu voulait pour lui en permettant cette situation. En serait-il de même pour vous ? Vous ne saisissez pas la raison de votre épreuve présente. Croyez que le Seigneur la permet pour vous accorder une nouvelle rencontre avec lui et une nouvelle révélation de sa grâce et de son amour. Mais rejoignons Jean dans sa déportation. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. » Apocalypse 1, 10. L'apôtre a fait à ce moment-là l'expérience que certains prophètes de l'Ancien Testament, comme Ézéchiel, Daniel et bien d'autres, avaient fait avant lui, lorsque l'Esprit de Dieu les avait saisis et transportés en d'autres lieux et en d'autres circonstances. Jean a été transporté en esprit au jour du Seigneur. Cette expression « jour du Seigneur » ne se rapporte pas à un laps de temps de 24 heures, mais à une période très longue, encore à venir, qui englobera toute une série d'événements. Enlèvement des chrétiens à la rencontre de leur Seigneur, grande tribulation, domination de l'Antéchrist, retour de Christ en gloire, jugement des nations, règne millénaire du Messie, condamnation définitive de Satan et jugement dernier. Dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de symboles. Livres scellés, cavaliers, chevaux, étoiles tombant sur terre, montagnes jetées en mer, sauterelles tourmentant les hommes, moissons, vendanges, coupes déversées sur le monde, et bien d'autres choses encore. Tout semble mystérieux et énigmatique, jusqu'à ce que l'on comprenne la relation étroite qui unit l'Apocalypse à l'Ancien Testament. En effet, l'Apocalypse contient environ 280 citations textuelles de l'Ancien Testament. Et nombre de ces symboles et descriptions se retrouvent dans les visions des prophètes d'autrefois. C'est dire que si l'on prend la peine de considérer ces symboles dans le contexte historique de l'Ancien Testament, puis de les placer dans les circonstances du jour du Seigneur, tout s'éclaire et se concrétise peu à peu. En voulez-vous un exemple? Prenons celui des jugements apocalyptiques annoncés par sept trompettes retentissantes. Où retrouvons-nous sept trompettes dans l'Ancien Testament? Au chapitre 6 de Josué, qui parle de la conquête de Jéricho. Sept sacrificateurs sonnent de leurs trompettes et tout le peuple pousse des cris. Alors, les murailles de Jéricho s'écroulent devant les armées victorieuses d'Israël. Application. Quand les sept anges de l'Apocalypse sonneront de leurs trompettes, les murailles de la civilisation de l'Antéchrist s'écrouleront devant les armées victorieuses du Seigneur, et comme Josué, dont le nom signifie sauveur, a vaincu en introduisant son peuple dans le pays de la promesse, Jésus, le sauveur, vaincra ses adversaires et introduira son peuple dans l'accomplissement des promesses. Examinons maintenant le livre lui-même d'un peu plus près. Lorsque le Seigneur s'est révélé à Jean, il lui a ordonné « Écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Apocalypse 1, 19. Cette phrase détermine les sections du livre. « Ce que tu as vu, c'est la révélation de Christ en gloire, sujet du chapitre 1er. Ce qui est, c'est, au-delà des lettres aux sept églises d'Asie, l'histoire du christianisme du 1er au 20e siècle. » Chapitre 2 et 3. Ce qui doit arriver ensuite, ce sont les événements appartenant encore à l'avenir, chapitre 4 à 22. Nous avons déjà abordé brièvement la première section, le chapitre 1er. Je voudrais donc m'arrêter maintenant sur les chapitres 2 et 3. Jésus-Christ confie à Jean la responsabilité d'envoyer de sa part des lettres à sept églises établies dans des villes proches de la mer Égée, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Il y avait bien d'autres églises chrétiennes dans cette région à l'époque, mais le Seigneur a choisi ces sept congrégations parce qu'il voyait au-delà de leurs circonstances propres, d'une part, la lutte, les défaites et les victoires de toute l'Église universelle, d'autre part, l'histoire de cette Église universelle, donc l'évolution du christianisme pendant 20 siècles. Je m'explique. Les chrétiens d'Éphèse avaient alors perdu leur premier amour pour leur Seigneur. Ceux de Pergame avaient cédé au compromis et au mélange. À Thyatire, ils s'étaient laissés séduire par un enseignement perfide. Ceux de Sardes s'étaient endormis, spirituellement parlant, et ceux de Laodicée vivaient dans l'illusion. En contraste, l'église de Smyrne souffrait jusqu'au martyr, et celle de Philadelphie demeurait fidèle à la parole de Dieu. Or, ces caractéristiques se retrouvent dans l'église universelle de tous les temps. Il y a toujours eu des chrétiens fidèles et forts, comme il y a toujours eu, hélas, une chrétienté vivant dans la tiédeur, le sommeil spirituel, les compromis, et tolérant même des doctrines d'erreur. Mais, comme je viens de le dire, il y a plus. Les lettres aux sept églises comportent un aspect prophétique, puisqu'elles décrivent par avance l'évolution du christianisme au cours de 20 siècles. Après la naissance de l'Église, une, deux ou trois générations se sont écoulées, et le feu du premier amour s'est éteint parmi les chrétiens. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, » dit le Seigneur à l'église d'Éphèse, Apocalypse 2, verset 5. Puis, il exhorte l'église de Smyrne en ces mots, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 2, 10. Au-delà des souffrances que l'église de Smyrne supportait vaillamment, le Seigneur annonce les persécutions qui ont caractérisé les trois premiers siècles jusqu'à l'empereur Dioclétien. Au IVe siècle, la situation se modifie. L'empereur Constantin fait du christianisme une religion d'État et la chrétienté se confond désormais au monde. Il en résulte les compromis et le mélange, thème de la lettre à l'église de Pergame. Puis, la religion médiévale multiplie ses œuvres en tolérant dans son sein l'enseignement usurpateur des traditions, exactement comme l'a fait en son temps l'église de Thyatire. Au XVIe siècle éclate la réforme, d'où surgit le protestantisme. Mais qu'est-il devenu aujourd'hui? Le Seigneur pourrait lui adresser les reproches qu'il avait envoyés à l'église de Sardes. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Apocalypse 3, 1 à 2. Dans ce contexte, Dieu suscite une nouvelle église de Philadelphie, c'est-à-dire un christianisme qui, à l'heure de la tentation universelle, veille fidèlement à son attachement à l'Écriture. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, 10. C'est d'autant plus nécessaire que notre époque est marquée par la formation d'une super église écuménique et usurpatrice qui vit dans l'illusion d'une fausse richesse et la tiédeur des formes de piété. C'est exactement l'image proposée par la lettre à l'église de Laodicée. Le Seigneur s'est retiré de cette chrétienté apostate, mais du dehors, il appelle encore ceux qui veulent bien l'écouter. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Remarquez-le bien. Le Seigneur ne parle plus à une collectivité, mais à l'individu qui prête encore l'oreille à sa voix. Le salut n'est jamais collectif, mais il y a toujours espoir pour la personne qui ouvre son cœur à l'appel du Seigneur. Un artiste avait eu à cœur d'illustrer cette phrase d'Apocalypse 3, 20 et avait représenté le Seigneur frappant à la porte. L'un des admirateurs de son tableau lui fit cependant remarquer « Maître, vous avez oublié la poignée extérieure de la porte. »« C'est voulu, » répondit le peintre, « car cette porte-là n'a de poignée qu'à l'intérieur. » En effet, lorsque le Seigneur frappe à la porte de notre cœur, c'est à nous qu'il appartient d'ouvrir. Jésus-Christ ne s'impose jamais, il patiente derrière la porte, où il continue de frapper, attendant notre réponse. Avez-vous donné votre réponse? Pourquoi ne pas la donner maintenant, en cet instant?